Le temps passe, fils. Profitons de chaque moment. T'as la chance de pouvoir compter sur papa et maman. Je te lâcherai pas, moi. Comparé à certains, garde le sourire. Et même si l'avenir est incertain, si tu tombes, relève-toi. Me dis pas que c'est perdu d'avance. Qui tue pas nous rend plus fort, moi. Je veux que la vie d'avant, évidemment. Je bannis ces gens qui ne font pas d'efforts. Je suis pas déserteur. Toujours là pour donner des forces. J'suis pas là pour t'ambiancer, j'roule un pèse sur un tiercé 6-2-6-0-0, j'arrive des terres comme deux Terminator. Je vais terminer même si j'ai tort, pour dégoûter j'termine à temps. Ouais, j'clique la prod, j'en perds pas nord, tout terrain digne d'un petit rapport. On n'a pas le même gabarit, là j'suis d'accord, j'suis tout white, pas comme Barry. Et me rappelle paria, j'peux parier qu'il restera peut-être une balle pour toi dans le barillet. Pour faire le blé, plein de volonté, la pitié j'la mets de côté. R dans tes enceintes, tu kiffes zinc, tapes enceintes. Je suis pas drap pour les anciens, ni même pour les meufs sans sein. Cousin, je suis sensé, insensible à ce que vous pouvez tous penser. Je veux voir des gros bouts danser. Viens t'ambiancer, fais péter la scène. Si je suis foncé sur Sensei et des bitches font des selfies. Je suis seul lisse, mais on me rend des services. Ici c'est mal desservi et pourtant je suis bien servi. Quand l'inspi s'enflamme, je suis comme un pervers devant sans femme. Je graisse enfin, enfin quand je rappe, je fais des fans de corps. Gros sont morts dans le casque, je me perds trop loin. Comme plus d'un chouri devant la vie et ses coups de putain. Un couplet de plus ou de moins, qu'est-ce que je m'en balais. J'écris aux toilettes, ok, Roger ses toilettes. LPK, MC écorché, acharné, acharmé des prods. Sans flûte avec mon bic et ma voix. Freestyle.